chemin, oh mama, oh, à cause de toi, oh mama, oh, à son bois, oh. On essaie de casser les cas des moyens.